La lettre présentée au Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU pour accuser les exercices militaires américains et sud-coréens est distribuée le 30 août comme dossier officiel A70025 S2016-734 de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU.